des ailes. Je tomberai raide, je tomberai raide, je tomberai raide, tangue, tangue de vie, tangue de mort. Moi, c'est-à-dire moi avant. Moi à sa place, je prends à sa place, je craque. Moi à sa place, je craque. Tourne vite, je craque, tourne vite, je brise la gueule.